n'êtes pas très viril, plutôt malhabile. Vous n'êtes pas sérieux, pas très silencieux. Que dites-vous? Je ne comprends pas tout, j'avoue. Je vous dis tout simplement ce que je ressens quand vous partez en courant, que vous criez maman. Que dites-vous? Me trouvez-vous menteur et fou? Ce n'est pas par manque de courage, c'est que je suis bien trop sage pour risquer ma vie dans un carnage. Vous êtes un sacré farceur, un drôle d'enquêteur. Je vous ai vu tout à l'heure, vert de peur. Que croyez-vous? Il faut bien que parfois je joue. Ah, vous faites un grand comique avec vos mimiques. Vous devriez songer à changer de métier si vous saviez le bonheur d'être policier. Ce n'est pas que je sois drôle, c'est que je joue bien mon rôle et croyez bien que je le fignole. Ah, mais mon cher commissaire, nul besoin de taire ce talent pour la drôlerie qui est loin de me déplaire. Qu'est-ce que vous dites? Continuez un peu, j'insiste. Je vous confie sincèrement ce que je ressens. Je trouve charmant vos maladresses et vos talents. Que dites-vous là? Vous n'êtes pas insensible à moi. Mais non, voyons point du tout. Vous avez un charme fou et j'avoue succomber à votre personnalité. Ah, mon ami, n'est-ce pas encore un trait d'esprit? Car alors, si je vous plais, pourquoi toujours vous moquer? C'est que j'aime moi aussi l'humour et puis l'ironie, surtout quand ils sont associés à la...